ما تخص فيك تحية فيك نقلوب زوايا ما تكون عداوة ما بين الخوا كل يوم كي غدوة نعيشو الفوا J'aime l'amour, j'aime la vie, je veux la paix pour toujours, pour toujours, je veux la paix pour toujours. J'aime l'amour, j'aime la vie, je veux la paix pour toujours, je veux la paix pour toujours. J'aime la paix pour toujours, je veux la paix pour toujours.